Yippee-ki-yay, motherfucker. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Morant is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Transmission, le 39e épisode, puisque malgré la quarantaine qui continue encore, nous avons décidé de faire une émission avec des films qui sont, on va dire, plus ou moins dans l'actualité de la vidéo on demand, avec des films qui sont beaucoup plus récents que ceux qu'on a traités dernièrement. Soit le film de Robert Eggers qui s'appelle The Lighthouse, on parlera aussi de Pinocchio, le film de Matteo Garrone, et enfin nous parlerons de La dernière vie de Simon, le film français de Léo Carman. Je suis relié via les internets avec mes camarades Manuel As par exemple. Manu, comment vas-tu? Très bien, et toi Oli? Bonsoir, ça va bien, merci. Lucien Alflans. Salut les gars. Et enfin, monsieur Julien Rombaud. Salut tout le monde. Je sens une petite baisse de motivation là, parce qu'on est confiné quand même. On est confiné, mais on n'est quand même pas des confinés, un peu comme Defoe et Pattinson dans leur phare. Sauf qu'on est en aucune compagnie, puisque nous sommes encore confinés. Mais donc voilà, vous avez entendu, chères auditrices, chers auditeurs, cette sélection de films un peu disparates, un peu à la va comme je te pousse, que nous avons élaboré aujourd'hui. Mais bon, on commence tout de suite par parler du film The Lighthouse de Robert Eggers. Keeping secrets, are you? No, sir. Watch us spill your beans. Présenté un peu partout en festival en 2019, sorti aux États-Unis aux alentours d'Halloween et en décembre en France, The Lighthouse est le deuxième long métrage réalisé par Robert Eggers après le succès de la production indépendante The Witch qui était sorti en 2016. Malgré la petite hype qui entoure le film, il n'est pas sorti en Belgique, même s'il a été projeté au Flagey à Bruxelles dans le cadre de la reprise de la quinzaine des réalisateurs l'année dernière. Le film est trouvable, je ne sais sur quelle plateforme en VOD, mais bon, sur les internets, via divers liens légaux. Le pitch, c'est quoi? Donc, The Lighthouse met en scène deux gardiens de phare, un jeune et un vieux, isolés sur une très petite île rocailleuse de la côte nord-atlantique américaine à la fin du 19e siècle. Une première expérience pour le jeune gardien d'abord rigide et mutique interprété par Robert Pattinson face au gardien plus expérimenté et superstitieux interprété lui par Willem Dafoe, qui quant à lui parle peu mais pète beaucoup, en tout cas au début du film, après il va se mettre à beaucoup parler, et il garde jalousement l'accès à la lumière du phare. Alors, The Lighthouse a été coécrit par Robert Eggers, le réalisateur, avec son frère Max. La photographie en format presque carré et en noir et blanc, en pellicule, c'est du 35 mm au format 1/19, messieurs, et oui. Elle est signée par Jarin Blaschke, qui avait aussi travaillé sur The Witch, donc le précédent film de Robert Eggers. Et pour la photographie de ce film, The Lighthouse, il a tenu à utiliser des objectifs similaires à ceux utilisés par Pabst ou encore Fritz Lang au temps du muet. Depuis, le réalisateur et son chef-op ont embarqué pour le tournage de The Northman, un film plus ambitieux au niveau du budget, un film de viking avec Anya Taylor-Joy, qui était déjà dans The Witch, Nicole Kidman et encore Willem Dafoe, qu'on retrouve donc dans ce Lighthouse. Alors, c'est Manu qui va commencer sur le film. Manu, qu'as-tu pensé de ce film? Robert Pattinson et Willem Dafoe vont dans un phare. Oui, et l'un de pète. Mais non, franchement, ce film, c'est juste une grosse blague, quoi. J'ai du mal à comprendre le concert de louanges qui a accompagné la sortie du film, tant je pense qu'il a juste rien à raconter, quoi. Moi, j'ai juste décroché, je pense, au bout de 5-10 minutes, quand il te monte en raccord un DP, justement, une des flatulences de Willem Dafoe, avec le son, la corne de brume qui rythme la bande-son, c'est juste d'un ridicule achevé dans tout ce que ça cherche à évoquer. Ces visions sont d'un grotesque absolu. Alors, il te saupoudre ça un petit peu de mythe de Prométhée, un petit peu d'expressionnisme allemand, alors des références à Tir Larigot, à Shining, bien embarrassantes, mais de toute façon, elles sont grosso modo assez embarrassantes. Et ça se limite à un petit problème de libido, à... Il n'y a rien de transgressif dans ce film, c'est un film d'horreur, ça se voudrait normalement transgressif, ça l'est absolument pas, c'est digne d'American Pie à ce niveau-là, quoi. C'est ça pète, on se branle au clair de lune, c'est d'une bêtise sans nom, et je pense que ça cherche à empiler toutes les références possibles à l'expressionnisme allemand, à tout ce qu'on veut, juste pour cacher la vacuité de son propos. En fait, il a juste rien à dire, et je me réjouis quand même... qu'au final, il n'ait pas concrétisé son remake de Nosferatu de Murnau, parce que franchement, il n'a juste pas le niveau, quoi. C'est pas possible. J'avais lu au moment de la sortie du film que lui-même parlait de son film en disant « Rien de bon ne peut arriver quand deux hommes sont isolés dans un phallus géant ». Je croyais que c'était une blague. Le problème, c'est que le film est une blague lui-même, quoi. Ouais, un contre-avis, peut-être, de la part de Julien ou de Lucien ? Ouais, le problème en plus avec le film, c'est que je pense que, bon, en effet, hormis cette blague avec le phallus géant qu'on entend en interview, ou même à un certain moment, Pattinson qui dit littéralement « on dirait une putain de parodie », il le dit à l'écran, c'est voilà, dont on peut se demander même à quel point c'est pas la note d'intention du réalisateur, mais en fait, le film n'en fait rien, donc... Même sur ce côté-là, le film n'est pas hyper intéressant. Mais là où je trouve le film encore un peu plus compliqué que ce que nous a vendu Manu, c'est que Manu dit que le film ne transgresse rien. Et moi, j'ai l'impression justement que le film a la volonté de transgresser quelque chose. Et ce n'est pas transgresser un propos ou quoi, c'est transgresser des codes et des citations à longueur de film. Alors, en effet, ça cite la mythologie lourdement et à tour de bras, parfois jusqu'à l'occultisme, qui ne semble que pour moi qu'être une pierre pour cacher le néant, quoi. Alors oui, il y a du Lynch des Razorettes, du Cocteau, du Guy Madin, du Polanski, du Aldrich, des citations. Hein, quand je dis je parle de citations, du Beckett et surtout du Melville à la sauce lovecraftienne, quoi. Ouais. Oui, et en plus, Lovecraft, c'est vraiment uniquement par le décor et un soi-disant monstre marin, pour pas spoiler. On est quand même très, très loin de l'effroi lovecraftien. C'est là que j'allais en venir. C'est que pour moi, le problème du film, c'est qu'au final, ça ressemble en effet plus à une vidéo projetée sur un mur peint dans une exposition branchouille et qui semble n'avoir jamais digéré ses références, mais qui prend quand même la peine et l'audace, je vais dire, un peu détestable, de faire semblant de les transgresser, toutes ces citations, tous ces codes. Bon, à la limite, tu fais un film plastiquement assez joli, qui cite énormément, qui va pas plus loin, bon, bah voilà, ça sert à rien, mais c'est pas bien grave. Là, il y a un côté très, très pédant dans son approche du truc. Et ça dure 2 heures. Et ça dure 2 heures. Je sais pas, Oli, tu me parlais de ce film-là en me le comparant à la grosse barre de fou rire qu'avait été le Mozart d'Aronofsky à l'époque, donc tu peux peut-être m'expliciter un peu plus ça. Ben ouais, je peux peut-être expliquer ça. Merci de cette perche tendue, mon cher Manu. Ben moi, en fait, j'avais très envie d'aimer le film. Et donc, parce que le décorum, le visuel du film, les acteurs, etc., c'est quelque chose... L'emballage me plaisait. Ce qu'on me vend me plaît avec ce film-là. Et je trouve que le début du film fonctionne plutôt pas mal. Mais le truc, c'est que Robert Eggers, dans le premier tiers, on va dire, de son film, il me vend... un film qui va être une plongée dans la folie, une espèce de gradation avec des personnages qui vont s'enfoncer de plus en plus dans une sorte de jeu du chat et la souris, ou en tout cas quelque chose qui va être une exploration, on va dire, mentale, avec éventuellement quelques éléments fantastiques, mais très vite on sent qu'on est dans un film d'horreur psychologique. Mais le problème fondamental que j'ai avec le film, c'est qu'au bout d'un tiers, plus ou moins. Il y a quand même un gros pivot dans le film quand il rate la relève, en fait. Enfin, il y a un bateau est censé venir les relever et finalement, ce bateau ne vient pas. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, le personnage principal, on va dire que c'est Robert Pattinson, le personnage principal, perd complètement les pédales et il n'y a plus aucune avancée dramatique. C'est vraiment, d'un coup, tu as une espèce de retournement où, ah ok, il est fou, et donc d'un coup, je vais vous balancer, en effet, de plus en plus de surenchères, de trucs qui fait qu'on perd complètement, en fait, le fil du récit. Je trouve que la situation s'épuise entre les deux personnages en très longues scènes dialoguées qui sont un peu qui veulent au final un peu rien dire ou toujours la même chose, et donc je trouve qu'il y a des gros problèmes d'écriture, et j'ai l'impression aussi, comme tu l'as bien expliqué, enfin comme vous l'avez bien expliqué, que bah ils te balancent des références, ils te balancent des trucs pour faire bizarre comme ça, mais qui maîtrisent absolument pas ce qu'il fait, quoi. Ils te les empilent comme une espèce de c'est comme une espèce de compilation pour faire bizarre. Ça m'a fait penser au film de Tom DiCillo qui s'appelait Ça tourne à Manhattan, je crois que ça s'appelait comme ça. Et à un moment, donc ça se passait sur un tournage, et à un moment, il y avait une scène de rêve, puis il y avait un nain qui était mis en scène dans le rêve. Et le film coupait, et le nain disait « Ouais, de toute façon, il y en a marre, pour faire bizarre, t'as pris un nain. Ah ouais, on va faire bizarre, on va prendre un nain. » Bah, ici, c'est un peu la même chose, en fait. On balance des références à Zulawski, on y voit des milliards de choses ou des références mythologiques, mais c'est juste pour faire le petit malin, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que je trouve que les acteurs s'investissent vraiment. Je trouve qu'ils ont envie, on sent qu'ils ont travaillé aussi leur phrasé, on sent qu'il y a un travail sur la langue, il y a quand même un gros travail sur la photographie, et c'est dommage. J'aime bien aussi l'idée du décor qui prend de plus en plus l'eau au fur et à mesure que les personnages se laissent gagner par la folie. Enfin, il y a quand même des idées que je trouve chouettes dans le film, mais c'est juste que l'écriture n'est absolument pas maîtrisée. En effet, il y a deux, trois bonnes idées, et je pourrais revenir dessus après, mais tout ce que tu dis, en fait, n'est jamais contrebalancé par une précision quelconque, ni vraiment par une caractérisation des personnages, ni par une mise en scène narrative, ni elle est juste cette mise en scène illustrative, porteuse de sens venue d'ailleurs, venue d'autres films en fait, mais que lui restitue, mais sans jamais les avoir, sans jamais qu'elles prennent vraiment corps avec le film. Et je trouve ça d'autant plus dommage qu'il y a deux, trois bonnes idées dans le film. Ce manque d'incarnation, parce que c'est notre mot préféré ici, dans la mise en scène, est d'autant plus paradoxal pour un film qui cherche à déconstruire la psyché de ses personnages par la forme, à travailler leurs pulsions, à travailler leurs excréments, leurs fluides, mais qui oublie à tout bout de champ de rendre compte de ça sur ce qu'on voit à l'écran. Pour un film qui repose sur deux acteurs, justement, et avec absolument personne d'autre, c'est encore plus paradoxal, effectivement, que tu le trouves désincarné, ce film. Mais la dramaturgie est vraiment très théâtrale dans le film, mais elle ne trouve jamais, pour moi, d'adéquation avec sa forme plastique, qui est davantage pensée comme... pensée d'un point de vue photographique que cinématographique, en fait, je pense. Bah, c'est parce que c'est un peu pensé comme un assemblage, un empilement de séquences un peu choc, et il n'y a absolument rien de narratif. Je pense qu'il y a un exemple qui est assez frappant, dont tu parlais, Olivier, qui est la séquence pivot, où ils attendent le ravitaillement, avec la tempête qui fait rage. Tu les vois attendre sous la pluie, ensuite tu les retrouves à l'intérieur, en train de manger, donc tu comprends qu'entre les deux, le bateau n'est pas passé. Mais qu'est-ce que fait Egger? Bah, il fait dire à Pattinson, ils ne sont pas venus. Et à ce moment, tu t'interroges un peu comment Egger a à ce point aussi peu confiance dans sa mise en scène. Te faire comprendre le simple enchaînement de deux plans. Ou alors, il prend vraiment le spectateur pour un attardé mental fini. Et du coup, après je passe la parole à Julien, mais pour moi, les deux, trois trucs qui fonctionnent pas trop mal sont en effet, comme je disais, je trouve que, par exemple, même si les personnages sont hyper archétypaux, la relation vampirique est pas mal traitée entre les deux personnages, enfin traitée, est pas mal utilisée, on va dire. Et, elle fonctionne assez bien dans certaines scènes, mais à nouveau, ce sont des scènes qui ne forment pas un tout. Ce sont, comme disait Manu, des scènes qui sont pensées pour la scène elle-même et pour le choc qu'elle va rendre et jamais plus loin, jamais ce qu'elle veut, jamais elles vont jamais interagir les unes aux autres pour construire un tableau. Mais moi là, excuse-moi, je reprends juste une chose que tu avais dit. Moi je trouve par exemple que les rapports de pouvoir entre les deux personnages dans le film, ils sont complètement ratés quoi. Je ne vois jamais comment les choses basculent et qui a l'ascendant sur qui à quel moment, ce qui fait que à la fin quand il y a un truc qui est aussi pivot sur l'ouverture d'un secrétaire, Pattinson va ouvrir le secrétaire à découvrir un secret qui est tenu par Willem Dafoe. Et enfin, je veux dire, émotionnellement, t'es complètement détaché de ça, tu t'en fous complètement, ça ne change rien du tout. Mais on comprend jamais rien. On sait qu'il est vaguement question que l'un pousse l'autre à l'autodestruction et inversement. Il est question d'homosexualité refoulée. Il est question d'une aliénation qui est due à cet enfermement, d'une aliénation aussi qui est due à une forme d'autorité d'un personnage sur l'autre, à la frustration sexuelle, enfin tout ça. Ouais, mais tu sais jamais où t'en es. Parce qu'il choisit, il choisit absolument jamais ce qu'il veut. Et que les fulgurances et les thèmes qui sont abordés, comme tu le dis, du trouble sexuel, du rapport à l'animal, à la cruauté, à la mouette, etc., ils sont jamais traités exactement. Il aborde une foule de thèmes sans en choisir un. En fait. Parce que c'est pas ça ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de faire un film choc qui va bousculer dans certains petits festivals, qui va faire son petit bruit dans les petits festivals, quoi. Oui, mais le problème, c'est que le film, il se vend comme un croisement entre Polanski et Murnau sur un registre qui est plus un registre de thriller psychologique et pas celui d'un choqueur arty et branchouille, ce qu'il est au final. C'est ça le problème. Mais après, comme tu l'as dit, dans les rapports d'un personnage à l'autre, on est largué, quoi. Enfin, je crois que vous l'avez déjà dit, on ne sait pas qui a le pouvoir ni comment. La relation est très schématique au départ, elle n'évolue pas beaucoup ou alors de manière attendue. Et puis surtout, il y a quelque chose qui... Moi, le film, il manque complètement de clarté. Je trouve que, ça a été dit par Manu, notamment avec la phrase de Pattinson, les choses sont expliquées, mais elles ne sont jamais mises en scène et jamais traitées esthétiquement ou alors en les expliquant par-dessus. Et on parlait de théâtralité ou de Beckett, effectivement, mais chez Beckett, il y a un néant, une absurdité. Ici, c'est vrai que la scène ne va pas plus loin à chaque fois que ce qu'elle veut montrer et que C'est comme si les escaliers n'étaient pas grimpés un à un, par exemple. C'est en ça que tu as raison, Olivier, quand tu dis que finalement, tout d'un coup, il y a un basculement vers la folie. On est beaucoup plus avant, beaucoup plus inquiétant. On est censé être beaucoup plus pris dans ce tourbillon de folie, mais en fait, on n'a pas gravi les marches avec eux. Tout a été commandé tout d'un coup, avec des pivots qui manquent, justement. Et on ne peut pas, je crois... Pourquoi ils deviennent dingues intellectuellement, on le comprend, l'enfermement, etc. Mais narrativement, c'est pas pris en charge. Oui, et puis même, moi, au-delà de ça, j'ai un problème avec, dès le départ, cet aspect parodique qu'a le film, avec les flatulences de Willem Dafoe qui sont mixées avec cette corne de brume. Ça t'a marqué, ça? Ben oui, ça m'a marqué, parce que c'est un gars qui est digne d'un film des frères Zaz, quoi. Le problème, c'est que c'est très drôle dans un film des frères Zaz, mais quand ton projet de film est tout autre, ben c'est vraiment un problème. Très bien. Merci messieurs. Je pense qu'on va s'arrêter là sur ce film puisque nous sommes finalement tous d'accord. Donc, ne perdons pas plus de temps et passons tout de suite à La dernière vie de Simon, le film de Léo Carman. Maintenant, les secrets. Ce que je vais vous montrer, je n'ai jamais montré à personne. Vous rentrez pour manger, d'accord? Prêt? Partez! Simon! On peut pas aller par là! Thomas! Simon! Il est où, Simon? Sorti début février en France sans rencontrer le succès et pas sorti en Belgique, La dernière vie de Simon est un film franco-belge, premier long métrage coécrit et réalisé par Léo Carman. Il est maintenant disponible en VOD. L'histoire, c'est quoi ? Donc, abandonné à la naissance, Simon a 8 ans et un pouvoir magique. Il peut prendre la forme de n'importe quel être humain qui l'a touché. Simon vit dans un foyer, puisque il ne connaît pas ses parents, il a été abandonné à la naissance, et lors d'une sortie, il rencontre Thomas et Madeleine, frères et sœurs de son âge. Les trois enfants deviennent si amis que Simon est invité à passer le week-end chez eux. Un week-end au cours duquel il va révéler son secret, mais où surviendra aussi un accident tragique qui va sceller le destin des trois protagonistes. Alors, le film est interprété par Benjamin Voisin, qu'on verra peut-être, si les choses rentrent dans l'ordre, bientôt dans Été 85 de François Ozon et Comédie humaine de Xavier Giannoli. Il y a aussi Martin Carman, donc le frère du réalisateur, et Camille Clarisse, qui, ces deux derniers, ont ensemble créé une troupe de théâtre, la compagnie de la troupe du collectif. Voilà, ce sont des têtes plutôt inconnues, pour un réalisateur aussi plutôt inconnu. L'actrice, donc Camille Clarisse, a déjà quelques longs métrages à son actif, dont Respire de Mélanie Laurent, à laquelle on peut penser qu'elle ressemble un petit peu. Alors, Julien, tu avais souhaité commencer sur ce film, La dernière vie de Simon. Ouais. Je trouve que j'en avais absolument rien attendu, ni rien entendu d'ailleurs. Je trouve que c'est un film assez audacieux, qui n'a pas peur du ridicule. Et justement, après avoir parlé de Lighthouse, ça m'intéresse. Enfin voilà, je trouve que ça a du sens de dire audacieux ici, alors qu'on ne l'attend pas forcément. Je trouve qu'il m'a, oui, en partie séduit, notamment et surtout dans son premier tiers de film. Je trouve que la scène d'intro est assez belle et qu'elle lance une première partie qui est assez envoûtante par la lumière, par la photographie, qui sont toutes les deux très belles. Et puis par l'aspect enchanteur, romanesque du film qui opère notamment dans le désir du petit garçon d'être aimé, d'être accueilli par quelqu'un, de trouver une maman ou un papa, et dans sa relation à la fille. Donc il y a toute une espèce d'insouciance de l'enfance qui fonctionne très bien, je trouve. Après, je trouve malheureusement que le film s'abîme un petit peu, notamment scénaristiquement, une fois que la grosse péripétie du film est arrivée. Je vais essayer de ne pas spoiler. Et une fois qu'on a découvert l'identité de Simon quand il est plus adolescent, plus adulte, je trouve que le film s'abîme parce que une fois que la fille a découvert son identité, ça devient un peu plus un suspense de base. Quand est-ce qu'on va savoir qui c'est réellement, etc. Et alors il y a beaucoup de changements à ce moment-là d'identité, de changements de forme qui deviennent un peu mécaniques et un peu inintéressants, un peu moins singuliers, je trouve, dans le film. Alors que je trouve que dans son aspect un peu conte, j'ai envie de dire, ou comme je parlais d'insouciance et d'enchanteur au début, il y a quelque chose de chouette. Heureusement, la scène finale, pour moi, dans l'hôpital, etc., rattrape un petit peu ce que je disais qui abîmait le film. Juste peut-être préciser que cette partie de film d'action, elle est quand même assez limitée à la toute fin du film, pas à la dernière moitié du film. Elle est limitée un petit peu à tout ce qui tourne autour de l'hôpital à la fin du film. Je suis partagé vis-à-vis de cette scène d'hôpital et de dernière partie parce qu'effectivement, il y a le thriller d'action qui est plus présent et je trouve que il y a un peu des conjonctures improbables un peu dans ce moment-là, entre tous les changements de visage et de forme. Et en même temps, il y a un souffle assez romanesque qui reprend. Ouais. Oui, effectivement, c'est peut-être la partie la plus faible du film, cette dernière partie film d'action, mais c'est aussi celle où il s'amuse le plus avec son concept de base, avec effectivement des petites incohérences par-ci par-là. Mais pour moi, ça reste relativement assez ludique et pas si dommageable, à mon sens, dans le reste du film. Après, quand on parlait du film de Roger Eggers juste avant, là, t'es quand même face à quelqu'un, et c'est d'autant plus remarquable parce que c'est un tout premier film, qui te raconte tout par l'image. C'est vraiment une narration purement visuelle. T'as ça dès la séquence d'intro, il te pose de manière extrêmement limpide ce qui va être le procédé narratif de son film, avec ce personnage de Simon qui a pris l'apparence d'un adulte pour pouvoir sortir la nuit de l'orphelinat. Il te montre de manière très poétique le pouvoir qu'a Simon, et t'as déjà aussi en sous-texte le parcours des personnages, le parcours des deux personnages principaux, que sont Simon et Madeleine, que l'on retrouve plus tard adultes, mais qui sont en réalité, comme l'adulte qu'on a vu en tout début de film, ben en fait des enfants enfermés dans des corps d'adultes. Et c'est quelque chose qui les pousse complètement tout au long du film, cette idée d'amour romantique, d'âme sœur qui lie les deux personnages, et qui confère, je trouve, à leur relation d'amour romantique, quelque chose d'un petit peu atemporel, hors du temps, avec cette très belle scène du premier baiser entre les deux personnages qui est filmée à l'intérieur d'une grotte en contre-jour avec les deux personnages qui se dessinent en silhouette avec Madeleine qui tient sa canne du fait de sa maladie et on a vraiment l'impression de voir une personne âgée à ce moment-là. Donc c'est un premier baiser mais qui pourrait être aussi un dernier baiser de deux personnes qui ont passé toute leur vie ensemble. Donc je trouve que c'est très beau, c'est la manière dont il véhicule ce sous-texte du film, uniquement par la mise en scène, le découpage à la lumière. Après, c'est vrai que ben, en ce qui concerne les parents, on est beaucoup plus dans quelque chose d'anecdotique. La notion de filiation avec les parents, elle est beaucoup moins traitée. Mais bon, ce qui est le cœur du film, c'est la relation entre Simon et Madeleine. Et pour le coup, c'est quelque chose que tu retrouves à la fois dans l'écriture et dans la mise en scène, c'est-à-dire tout le cheminement des deux personnages qui est extrêmement bien amené. T'as par exemple cette manière aussi dont Madeleine va finir par découvrir l'identité du personnage dont elle tombe amoureuse, pour pas spoiler. Elle va le suivre, et cette scène de filature, eh ben, elle prend pour cadre une forêt. Il y a l'homme qu'elle suit qui disparaît derrière un talus, il réapparaît sous une autre identité. Et ben, ce cadre de forêt, tout comme la disparition du personnage, eh ben, elle fait écho à une scène pivot du film. Donc voilà, moi je trouve en termes d'écriture, de mise en scène, c'est un film extrêmement ambitieux et qui réussit à peu près tout ce qu'il entreprend. Lucien ? Ouais, moi je suis assez d'accord avec la majorité de ce qui vient d'être dit. Évidemment, on est super heureux de voir un tel type de cinéma super ambitieux en francophonie. Un cinéma alors qui est extrêmement référencé à un cinéma américain, mais pas que. Parce que si on peut évidemment penser à Spielberg, Zemeckis, etc., moi j'ai beaucoup pensé à une certaine animation japonaise. Un cinéma qui est très référencé à un cinéma qu'on ne fait pas par chez nous et qui a en plus l'intelligence de l'imprégner vraiment dans une Bretagne très typique, entre guillemets, très affirmée. Et ça, je vois ça comme, presque comme un engagement cinématographique. Maintenant, en dehors de tout ce qui vient d'être dit, avec lequel, comme je le disais, je suis assez d'accord, je trouve que c'est un peu un film branché sur un courant alternatif, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont, enfin, vraiment, même ça se voit même, je trouve, à certains moments au niveau de la photographie. Alors ça s'explique peut-être aussi par la volonté d'avoir mis le paquet sur certaines scènes et du coup peut-être avoir eu des problèmes de budgétisation sur d'autres. Il y a vraiment des scènes qui sont absolument sublimes et puis des scènes qu'on dirait un peu laissées à l'abandon comme ça. Ça se retrouve, je trouve, vraiment littéralement dans la photographie où il y a vraiment des choses qui sont vraiment très très belles et puis des choses que je trouve presque hideuses. On dirait, à certains moments, on dirait du France 3 Région. Il y a, même dans le jeu des acteurs, je trouve qu'il y a des acteurs qui sont excellents et d'autres qui passent complètement à la trappe. Et entre autres, je trouve, si je veux être un peu dur, je dirais que les quatre principaux, enfin les quatre qui jouent les deux personnages principaux, jeune et plus vieux, c'est parfois vraiment dur. Donc oui, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Maintenant, moi, j'ai quand même eu du mal à me laisser porter tout du long parce que à certains moments, le film me lâche par ce genre d'écueil. Et tout comme je trouve, d'un pur point de vue scénaristique, comme en parlait Julien, je trouve en fait la base de son film, c'est l'histoire d'amour. L'ennui pour moi, c'est que il y a un peu beaucoup de choses autour de cette histoire d'amour et du coup, à un moment, elle est pas tant traitée que ça, cette histoire. Après, je trouve que c'est quand même un peu difficile de se plaindre d'un film dont le principal défaut, ça serait d'être trop plein. Oui, il y a des manques, effectivement, on en a parlé sur les parents, mais ça serait aussi un peu faire abstraction de tout ce qui fonctionne dans le film pour se focaliser uniquement sur quelque chose qui est assez périphérique vis-à-vis du récit. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses qui s'imbriquent extrêmement bien tout au long du film, qui se répondent, que ce soit le métier du père. Alors oui, c'est très littéral, mais ça marche extrêmement bien. Puis après, tu évoquais la maladie de la fille. Justement, c'est quelque chose aussi qui est très bien traité, qui se retrouve dans le tout dernier plan du film. On va pas spoiler pour autant. Le tout dernier plan du film, avec un personnage qui s'échappe du cimetière en courant. Et c'est un plan qui a été installé auparavant, qui répond à un autre, avec un autre personnage qui s'échappe du cimetière en courant. Et pour le coup, cet effet de répétition, il va charger émotionnellement le dernier plan du film. Ah oui, mais ça c'est clair. Hein. Oui, mais parce qu'il y a une vraie proposition narrative qui est tenue vraiment tout au long du film. Après, là, je crois que là où il est fort, et tu l'as dit, c'est parce qu'on parlait des ramifications, c'est effectivement quand il s'intéresse totalement à Madeleine et Simon, et il y a presque un aspect d'amour plus fort que tout, de Roméo et Juliette. Et je suis d'accord avec Manu sur les petits détails qui font que il y a aussi le geste dans les cheveux, par exemple, que Simon reprend pour imiter le garçon, etc. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Il y a toute une allégorie aussi avec les miroirs. Il y a beaucoup de plans avec les miroirs. Le reflet, ce qu'on donne à voir, ce qu'on cache, le regard des autres, etc. Où je trouve qu'il y a quand même, effectivement, peut-être un trop-plein, mais beaucoup de pistes qui sont émoustillantes pour le spectateur. Ouais. Alors après, la petite question subsidiaire, c'est que Olivier, a-t-il été émoustillé aussi par le film ? Moi j'ai un peu du mal à comprendre vos réserves. On n'est certainement pas devant un grand film, mais c'est un film que je trouve très agréable, très, très bien fait, qui se moque jamais de son spectateur et qui exploite son pitch de départ et qui reste vraiment dans cet écrin un peu film fantastique, un peu merveilleux, adolescent comme ça. Et je trouve justement que sa grande qualité, c'est de ne pas se perdre dans un surplus de fantastique ou un surplus d'intrigue qui serait une intrigue policière ou une intrigue, quelque chose dont j'avais très peur en fait au début du film. Et je trouve que le film fait le choix très intelligent de rester petit et de rester justement centré sur le conflit entre les trois personnages principaux. Et c'est quelque chose qui m'a plu en fait dans le film, si ce n'est peut-être dans la fin. Je trouve que justement la fin du film, pas thématiquement parce que je le trouve quand même très maîtrisé au niveau de l'écriture, mais dans la mise en scène, je trouve que il a envie, on sent dans la scène de l'hôpital, de faire quelque chose d'un peu plus virtuose, d'exploiter son concept et de le faire toujours uniquement visuellement, de faire une scène qui soit une scène d'action. Et là, je trouve qu'il n'y arrive pas trop, et c'est dommage, parce que là, je trouve qu'il pêche un peu dans vraiment la toute dernière longueur du film. Mais au niveau thématique et au niveau des trajets des personnages, je trouve que justement le film est très joli et très bien refermé sur lui-même. Après, quand Manu parlait des pays in payoff, etc., je trouve justement que le film, il a un côté un peu trop appliqué. C'est-à-dire qu'on peut vraiment sentir que chaque chose est là pour avoir un retour un peu plus loin. Et moi, je savais prédire constamment à l'avance ce qui allait se passer, parce que j'ai vraiment l'impression de voir l'écriture d'un mec qui a lu beaucoup de bouquins de scénario et qui fait une espèce d'exercice extrêmement appliqué. Mais après ça, je trouve que le film est extrêmement satisfaisant dans les thèmes qu'il développe, parce qu'il en développe vraiment. Et je trouve aussi qu'il fait énormément de narration purement par l'image, ce qui est très très agréable. Je veux dire, il y a tout le temps, enfin très régulièrement, des très chouettes idées, ne serait-ce que dans la scène d'intro dont on a parlé, voilà, quand le personnage se retrouve dans le noir et qu'il y a juste le faisceau de la lampe qui perd 1m50 de hauteur, c'est déjà quelque chose qui me donne envie d'aimer le film, quoi. Et le film a tellement pas peur d'y aller qu'on lui pardonne. Je pense que dans beaucoup d'autres films, j'aurais été gêné, par exemple, par les effets spéciaux. Et là, il y a une telle croyance dans ce qu'il fait que j'ai jamais trouvé ça gênant. Ce qui est assez paradoxal vis-à-vis de ça, quand tu parles justement des effets spéciaux, pour moi, le moment qui pêche vraiment le plus en termes de mise en scène, ou le degré d'émerveillement qu'on a tout au long du film ne fonctionne pas, c'est ce moment où Simon montre son pouvoir à ses deux autres amis. Et là, tu as droit à un simple effet de morphing entre deux visages, qui est loin d'être révolutionnaire, ou même juste bluffant. Et c'est le seul moment où le film se repose entièrement sur un effet visuel, alors que le reste du temps, comme on l'a dit précédemment, il te fait tout passer par des jeux de lumière, d'ombre, d'angle de caméra, qui fonctionnent bien mieux. Après, il y a un tout autre point qu'on n'a pas du tout évoqué, qui, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, mais que j'ai trouvé extrêmement troublant. C'est la parenté que ce film entretient avec un autre film qu'on a chroniqué l'année dernière, qui était le film de Nicolas Boukrieff. À fond. Il y a beaucoup de choses qui se répondent, comme cette idée de faux coupable, que ce soit dans le traitement de l'enfance, cette histoire aussi d'amour empêché. J'y ai pensé tout le temps. Ouais. Le drame, la forêt, il y a vraiment quelque chose à creuser. Effectivement. Et je rejoins ton engouement, et en fait, j'ai surtout envie de voir son prochain film. C'est quelqu'un que j'ai envie de suivre. Nous allons finir là-dessus et on va enchaîner avec Pinocchio, le film de Matteo Garrone. Pablo. Pinocchio. Perché sei grande? È un segreto. Io non voglio essere un burattino. Voglio diventare un bambino come tutti gli altri. Seize ans après avoir frôlé la Palme d'Or avec Gomorra, Matteo Garrone est de retour cette année avec une nouvelle adaptation du conte multi-adapté de Carlo Collodi, Pinocchio. Donc Matteo Garrone, entre-temps, il a fait notamment Dogman, qu'on avait, en effet, Julien nous le rappelait tout à l'heure en off, ardemment défendu au sein de Transmission. Donc cette nouvelle adaptation de Pinocchio, c'est Roberto Benigni qui prend le rôle de Geppetto. Alors c'est drôle parce que lui-même avait adapté Pinocchio où il était dans le rôle de Pinocchio lui-même. Et il y a aussi Marine Wacht qui joue la fée bleue. Je ne vous ferai pas l'affront, auditrices, auditeurs, de vous raconter donc l'histoire de Pinocchio, et je vais céder immédiatement la parole à Lucien pour qu'il nous donne ses impressions sur le film de Matteo Garrone. En fait, moi j'aime bien le premier acte du film. D'abord, je trouve que ça fait plaisir de voir Benigni sobre. Ça le rend même presque un peu touchant. Je ne sais pas exactement où me placer par rapport au film, parce que je trouve qu'en effet, à partir du moment où en fait, Pinocchio commence véritablement l'aventure à proprement parler, quand il quitte en fait ce théâtre de marionnettes, je trouve que le film devient très programmatique et fonctionne beaucoup moins d'un pur point de vue d'émerveillement, je vais dire. Après, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes dans le film. D'abord, le fait qu'il suive de manière assez fidèle le conte originel et qu'il arrive par là même à mettre assez bien, je trouve, en valeur des choses que je trouve super intéressantes dans ce merveilleux conte qu'est Pinocchio. Entre autres, l'idée que la conscience de ce petit garçon lui arrive préfabriquée et ne soit pas construite en début de film du tout. Je trouve vraiment intéressant de le replacer en fait dans la filmographie de Garrone, dans le sens où depuis Gomorrah, et je dis depuis Gomorrah parce que je n'ai pas vu ses films précédents, mais je les ai tous vus depuis Gomorrah, on a l'impression qu'il articule tous ses films comme des contes. Et Pinocchio, en fait, est peut-être encore plus le conte des contes que Tale of Tales. Alors oui, comme je le disais, le film baisse très nettement en intensité dramatique, en tout cas, à partir du moment où il quitte la caravane avec tous les pantins. Mais si je dois être tout à fait franc, je trouve qu'en effet, le film, à partir de la fin de son premier acte, n'est plus passionnant en tant que tel, mais passionnant pour ce qu'il représente, je vais dire, de manière plus théorique. Ouais, moi après, je dirais carrément que le film, il cesse d'être passionnant dès qu'arrive Pinocchio. C'est un peu ça le problème. Parce que tu as justement toute cette première partie autour de Benigni, qui est effectivement très agréable, mais qui est très courte, avec un ancrage réaliste qui fonctionne très bien, avec notamment un travail sur les décors naturels, qui évoque très bien une Italie assez pauvre, décrépite, avec ses murs qui tombent en lambeaux. Il y a vraiment un gage d'authenticité qui se dégage de tout ce travail et qui accompagne très bien la toute première partie autour de Geppetto, avec son état de pauvreté, à la fois la candeur de ce personnage-là. Mais bon, c'est quand même un peu court. Ça rend compte aussi de cette volonté, je pense, qu'a le film d'un peu retraverser et qu'a Garrone, au cours de sa filmographie, d'un peu retraverser l'histoire de son pays et l'histoire du cinéma de son pays, du cinéma italien. Oui, mais je pense que c'est aussi le fruit d'un travail sur le long terme qu'on peut observer sur les plusieurs films de Garrone. Ce mélange avec un certain naturalisme et une forme qui se rapproche plus du conte ou on va dire du récit mythologique. C'est vrai. Ce travail sur le décor, c'est quelque chose qu'on avait déjà observé avec Dogman, avec cette barre d'immeubles, cette grande cour qui donnait un aspect presque western au film, avec à la fois son imagerie et les codes qu'installait Garrone et qui dépassaient vraiment la simple chronique sociale. Après, le problème ici, c'est que je trouve que ça fonctionne très bien dans la première partie du film, mais après, ça rentre pas du tout en résonance avec le reste du film. J'ai l'impression que tout le reste, il y a un petit peu de l'image d'Épinal. C'est un film qui ressemble un peu à un livre d'images. Tout me paraît feuilleté un petit peu à la va-vite, sans jamais vraiment être mis en perspective. Il n'y a pas vraiment d'incarnation dramatique dans tout ça. Tout ça, ça s'enchaîne trop vite, trop rapidement. Il y a une séquence, je crois, qui est vraiment assez emblématique de ça. C'est le moment où Pinocchio est jeté à la mer. Il y a le colosse qui lui adresse un au revoir, ce qui suggère normalement une certaine relation entre les deux personnages. Sauf que juste avant, on les a pas vus interagir ensemble. Et que cet épisode, au cours duquel Pinocchio est employé dans un cirque, ça se résume au final avec deux, trois séquences, ce qui est quand même très court pour installer une quelconque relation entre les deux personnages. Je trouve que ça suit un peu trop à la lettre le récit de Collodi, et tu sens que Garrone n'a pas grand-chose à dire de plus dessus. Pour moi, c'est un film qui reste très en surface des choses, et qui me paraît au final un peu compassé et pas très satisfaisant pour le spectateur. Mais c'est aussi, alors, ce que tu dis est, me semble assez, assez vrai dans, dans les grandes lignes. Ce qui est, pour aller un peu dans ton sens, ce qui est paradoxal mais qui rend bien compte de ce qu'est le cinéma de Garonne, c'est qu'en fait Garonne, là où il est le plus doué, c'est quand, comme tu dis, quand il va te filmer une entre guillemets une petite histoire dans, dans des décors très, très simples avec peu de choses. Parfois il le fait en scénette comme ici, comme dans Tale of Tales. Parfois il le fait sur tout un film comme dans Dogman, et ça fonctionne plutôt pas mal. Après, je trouve, pour rebondir sur autre chose que tu viens de dire, que justement, pour moi, c'est l'intelligence du film, c'est de rester extrêmement fidèle au, conte de Collodi et de ne jamais chercher à se rendre plus malin que le conte ne l'est déjà. En fait, le conte est déjà extrêmement malin et il ne va jamais essayer de se placer au-dessus de ça. Mais le problème, c'est pas de se placer au-dessus du récit, c'est d'arriver à t'en faire comprendre le cheminement et te dégager des axes narratifs forts. Pour moi, c'est vraiment une succession de vignettes. Et ce qui est très paradoxal, c'est que dans les films dits un peu réalistes de Garonne, réaliste avec de gros guillemets, par son approche narrative qui tenait du conte, il arrivait à élever ses récits. Et paradoxalement, à l'inverse, dans ses autres films, qui sont Tale of Tale ou ici Pinocchio, même si je préfère largement Tale of Tale, c'est quelque chose qui, au contraire, se marie assez mal avec le récit et a une tendance un peu à affaiblir la portée symbolique de ces histoires. Moi je suis le seul qui n'avait vraiment pas aimé Dogman, donc ici je suis d'accord avec ce que vous dites au niveau de la sobriété et au niveau de ne pas se mettre plus haut que le conte, mais en fait c'est ce qui donne aussi le côté assez vain. Moi je trouve que c'est assez conventionnel et que je vois pas ce qu'il apporte, mais ça je crois que Manu l'a dit, je vois pas ce qu'il apporte à la fable ou au conte, si ce n'est la moderniser un tant soit peu par les images, par peut-être pour les plus jeunes, mais je vois pas ce qu'il apporte. Je le trouve moins tape à l'œil en tout cas que Dogman. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez élégant et d'assez joli justement, et je plus sois sur la sobriété de Benigni, quelque chose de plus en douceur comme ça, qui ne me force pas à entrer dans l'histoire, mais par contre je vois pas où il veut en venir. Bah, moi, c'est ce que je disais, là où je trouve le film le plus intéressant par la suite, quand je commence à m'ennuyer à partir après le premier quart du film, premier tiers éventuellement, mais plutôt premier quart, ce qui est intéressant pour moi, c'est en effet de le replacer dans la film de son auteur et de voir comment il va vraiment travailler l'histoire de son pays, l'histoire de son cinéma à travers un conte qui est on ne peut plus italien. Enfin, voilà. Mais donc tu veux dire que ce film ne peut pas, enfin, pourrait ne pas suffire à lui-même par quelqu'un qui ne connaît pas forcément Garonne et qui va au cinéma Si, parce que le film porte ces choses-là. Moi, je l'ai vu tout le long du film. C'est parce que j'ai vu aussi les autres films de Garonne que je me dis, ok, ça c'est une volonté. C'est pas un hasard, c'est une volonté d'auteur. Après, c'est clair que des films que j'ai vus, ça semble être son film le moins personnel et probablement un des moins incarnés. Après, je trouve que les meilleures scènes, elles sont un peu sauvées par une espèce de légèreté, de petite poésie qui parfois vient sauver un peu, enfin vient sauver ou vient un peu magnifier certaines scènes. Il y en a qui fonctionnent. Je trouve qu'il est assez régulier en fait. Je trouve qu'il y a des petits duos comiques, le renard, le chat, les deux docteurs. Le renard, le chat fonctionnent pas mal. Après, la scène des deux docteurs, je la trouve insipide et je m'ennuie. Donc, je trouve que c'est assez inégal. Ouais, il y a un talent pour. Enfin, on l'a vu ça dans Dogman, même si j'avais pas aimé, je le reconnaissais. D'atmosphère, de lieu, la forêt embrumée, etc. Il y a quelque chose de... Mais il y a quelque chose qui relie les films à ce niveau-là et que je trouve super intéressant. C'est un pur travail plastique, mais que Garonne, comme il le fait quasi systématiquement, va filmer ici une direction artistique qui est très fantaisiste, avec un traitement doté d'une forme de crudité qu'on a plutôt l'habitude de voir dans un cinéma dit plus réaliste. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'ait toujours pas entendu Olivier parler du film. Olivier, est-ce que ce Pinocchio t'aurait laissé de bois ? Oh ! Excellent. Oui, complètement. Non, moi, je me suis royalement ennuyé. Même si, bon, il y a une petite musique qui fonctionne, mais bon, je dois dire que voilà, Lucien parle du qu'il adore le conte original. Moi, c'est une histoire qui m'a toujours profondément fait chier. Mais c'est parce que moi, je trouve que Pinocchio est un personnage qui m'insupporte au plus haut point, et j'ai toujours envie de rester plutôt avec Geppetto. Ben bon, bref, mais ça, c'est pas dans ce film-là, donc on n'en parle pas. Mais oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit par Manu. Je trouve que le début fonctionne plutôt pas mal, avec tant que Gepetto est là, justement. Et puis après, bon, on a une succession de scénettes qui, selon moi, ne sont pas incarnées, qui se bornent à une espèce d'illustration dans laquelle j'ai aucune... Enfin, moi, personnellement, aucune accroche émotionnelle ou aucune accroche avec ce qu'on me montre. Après, donc voilà, ça se succède, comme en effet, je pourrais feuilleter un mauvais livre pour enfants. Je trouve que là où le film m'intéresse, c'est en effet dans son exploitation des décors. Je trouve qu'il exploite une espèce d'Italie qui est comme ça gorgée de soleil, mais qui en même temps va sur une forme de décor. Décrépitude, ce qui me plaît plutôt. Par exemple, j'ai été conquis par la manière dont il traite l'épisode du parc pour enfants, du moment où ils sont transformés en ânes, même si la transformation en elle-même, j'étais pas client. Mais je trouve que le traitement du décor est très payant parce qu'il est ancré, en fait. Oui, il est effectivement ancré dans quelque chose de très réaliste. Mais c'est aussi là, à mon sens, que le film ne fonctionne pas du tout. Justement, dans cette scène dont tu parlais, Olivier, on est pour le coup face à une figure assez inquiétante qui est ni plus ni moins celle d'un... qui pourrait s'apparenter à celle d'un pédophile qui enlève des enfants en leur promettant monts et merveilles et qui finit par les réduire en esclavage. Et justement, on pourrait imaginer que cet ancrage réaliste qu'adopte Garonne pourrait décupler cet aspect extrêmement cruel du récit de Collodi et le rendre beaucoup plus malaisant et troublant, et il passe totalement à côté de ça. Ouais, il va pas l'investir dans le personnage justement du récolteur d'enfants, quoi. C'est ça, ça passe trop vite, et il va pas investir tout le gain qu'il a de l'exploitation de ses décors dans les personnages et dans les situations pour les rendre justement malsaines et les élever au-delà de ces situations que tu as déjà vues X fois dans les autres adaptations de Pinocchio, quoi. Et c'est vrai que j'avais pas mis des mots dessus tellement je m'ennuyais, mais je pense que tu touches quelque chose qui est juste, Manu. Mais en tout cas, je crois en le mélange entre, par exemple, les scènes entre les petits garçons, les vrais petits garçons et Pinocchio. Je crois vraiment, je trouve que là, entre le traitement de la marionnette et les effets spéciaux et le décorum réel, les interactions entre les deux, là, je trouve que ça fonctionne. Je propose que nous nous arrêtions ici pour Pinocchio de Matteo Garrone, et pour quelques conseils de plus dans cette fin de quarantaine internationale, je vous demanderai juste de citer brièvement le dernier bon film que vous avez vu. Julien. Le dernier plutôt bon film que j'ai vu, c'était Pasolini de Abel Ferrara. Oh, Manu. Eh bien, le dernier film que j'ai vu, c'est un film de 1937. C'est une adaptation de L'île du docteur Moreau. C'est un film qui est assez stupéfiant parce que il n'est pas forcément facile d'accès dans ces 10-15 premières minutes, parce qu'on est encore face à un langage cinématographique assez rudimentaire, un peu hésitant. Mais par la suite, c'est un film qui est assez surprenant dans sa manière d'exposer un petit peu toutes les pulsions des personnages de manière assez frontale. C'est un film pré-code Ace, donc avec des règles de censure qui diffèrent de ce que va être Hollywood par la suite. Mais voilà, il y a un Charles Laughton qui incarne Dr Moreau, qui est absolument magistral. Voilà, c'est un film qui est vraiment très loin de l'interprétation un peu paresseuse de Marlon Brando chez Frankenheimer. Quant à Lucien, quel est le dernier bon film que tu as vu ? Le dernier film que j'ai vu, c'est The Lighthouse. Du coup, je vais plutôt parler de... l'un de mes John Ford préférés, en fait, dont on parle au final assez peu, qui est Young Mr. Lincoln, que je viens de me procurer dans une très très belle copie et que j'ai revu il y a peu. Chef d'œuvre absolu. Mais après, Olivier, tu vas toi aussi devoir répondre à ce petit questionnaire. C'est quoi ton dernier bon film ? Le dernier bon film que j'ai vu, c'est Entre le ciel et l'enfer de Akira Kurosawa. Donc voilà, nous vous conseillons de voir certains des films dont nous avons parlé ce soir, particulièrement le film français La dernière vie de Simon. Je pense que c'est celui qui a recueilli les meilleurs suffrages. Mais donc aussi Pasolini de Abel Ferrara, Young Mr. Lincoln vers sa destinée en français de John Ford, le titre du film de Manu que j'ai oublié. C'est tout simplement L'île du docteur Moreau de Earle Sikkenton. Donc le film de 1937, pas celui de Frankenheimer avec Marlon Brando et Val Kilmer. Voilà. et Entre le ciel et l'enfer de Akira Kurosawa. Eh bien, on espère que la prochaine fois, on se reverra de visu pour une émission avec un peu plus d'interaction et moins de problèmes techniques. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Au revoir.